travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. D'abord chauffeur de taxi, puis homme sandwich et représentant, il est très vite pris par la passion du théâtre. En 1938, il lance L'Os à moelle. C'est le triomphe du calembour et de l'humour loufoque. Pierre Dac trouve sa vocation, ne jamais parler pour ne rien dire. En politique, parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs de tous ceux qui feraient mieux de l'affirmer avant de l'ouvrir. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, Pierre Dac immortel. Voilà bien un titre qui paraît audacieux, tant ceux qui ont amusé leur époque semblent le plus souvent voués à disparaître à mesure que se dissipe le brouhaha des événements, des passions, des anicroches multiformes de l'actualité. Mais dans le cas de cet homme-là, rien de tel, car il dure, et on a le goût d'éclairer la vitalité d'une mémoire qui, depuis sa disparition survenue en 1975, n'a pas cessé d'imposer sa force et sa légitimité selon des résurgences régulières. La dernière en date est illustrée et servie par l'exposition que propose le Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Le titre en est choisi à bon escient, Pierre Dac, du côté d'ailleurs, car on a pu dire qu'il fut l'homme du pas de côté. Et cette distance de son humour par rapport à toutes les tribulations de son époque donne une des clés de sa pérennité. La satire aigre se dissout vite, mais précisément, ce n'est pas son registre. Le sien est celui de l'absurde, de ce loufoque dont il s'est fait le prince et qui est de toujours. Il ne faut pas croire pour autant que son œuvre soit désincarnée hors de son temps, car il fut aussi un combattant, celui d'un patriotisme qu'il a vécu dans sa chair durant la Grande Guerre et à nouveau comme un acteur de la liberté et du courage à Londres, dans l'équipe des Français qui, à la BBC, parlaient aux Français et qui contribuèrent tellement à renforcer le moral de la résistance. Si Pierre Dac fonda le Parti d'en rire, il démontra que celui-ci était destiné à persister en démocratie plus longtemps que tous les autres. Pascal Horry, mon invité, a donné sa contribution au catalogue de l'exposition avec une compétence qui s'élargit, comme le savent fort bien les auditeurs de France Culture et de cette émission, à l'histoire de toutes les cultures contemporaines. Une histoire dont Pierre Dac est une composante notable. Il nous revient de vous le démontrer ce matin. Dernier né de la technique expérimentale d'expression scientifique d'avant-garde, le biglotron est un extraordinaire appareil de synthèse dont la conception révolutionnaire bouleverse de fond en comble toutes les lois communément admises, tant dans le domaine de la physique thermonucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace. Tout d'abord, dans le premier circuit, on distingue, si on a une bonne vue, le klebstroïde, lequel catalyse, en quelque sorte, le spoutzmull des dérivations, dont le tuyau d'argoniaphonie spéculaire libère un certain volume de la plaxmol, lequel, comme chacun le sait, n'est autre qu'un combiné de smith-muffre à l'état pur et le trophinium filtrant sulciforé. Jusque-là, ça va, parce que là, ça va être un peu plus compliqué. Dans le deuxième circuit, le même mouvement s'opère, mais en sens inverse. Il est donc inutile d'en parler, même à voix basse. D'autant que c'est dans le troisième circuit que se trouvent étroitement conjugués les éléments majeurs de vérité, parmi lesquels le spatzmok rotatif à crémaillère alternative, dont le rôle de générateur permanent d'énergie est prépondérant. Tel est, dans ses lignes essentielles, le biglotron du professeur Slalom Jeremy Menderlach, que les plus hautes autorités scientifiques internationales s'accordent à reconnaître comme la plus étonnante découverte de tous les temps, et qui, dans un futur d'autant plus proche qu'il sera moins éloigné, est appelé non seulement à servir à tout, ce qui est la moindre des choses, mais encore et surtout à n'importe quoi, y compris tout ce qui en découle, sans préjudice du reste et de tout ce qui s'ensuit. Pascal Horry, bonjour. Bonjour Jean-Noël Jeannet. Je vous ai proposé un sketch très fameux de Pierre Dac. Il est d'ailleurs donné ici à la télévision. Le Biglotron, c'est un extrait de l'émission avant-première du 3 juin 1962. Il m'a semblé que Pierre Dac nous parlait assez bien ici de ce qu'il était. Tout à fait, vous l'avez d'ailleurs indiqué Jean-Noël dans votre exposé liminaire. Il n'est pas du côté de la satire, très peu. Il s'y exerce un peu au début dans les cabarets Montmartrois, qui préfère généralement la satire. Non, il est du côté de la fantaisie ou même du loufoque, effectivement. C'est cette tendance au saugrenu qui lui va très bien. C'est un terme qui avait été utilisé par Alphonse Allais avant lui et qui était déjà un peu courant dans l'esprit montmartrois vers 1900. Octave Mirbeau aussi. Voilà, tout à fait. Mais Pierre Dac va donner une nouvelle jeunesse au loufoque. Et c'est une façon d'ailleurs de faire une allusion à ses origines, puisque son père était boucher. Et que loufoque, c'est un terme d'argot des bouchers, en d'autres termes, du largongi des louchers bêmes. Et le loufoque, c'est le fou, c'est le dingue. Est-ce que je peux vous interrompre pour expliquer comment on a créé le mot de loufoque? Ah, mais bien volontiers, parce que moi-même, je peine. Dans le largongi, bien, c'est très simple, il suffit d'ajouter l'une des deux syllabes, lem ou loc, à la fin d'un mot, et intervertir la première lettre avec le L de lem ou de loc. Et voilà, c'est tout simple. Ça donne ou bien fouloc ou bien loufoque. On a choisi loufoque. Mais vous êtes vraiment dans le rôle de Pierre Dac, Jean-Noël, parce que... C'est beaucoup d'honneur que vous me faites là. Mais c'est bien mon intention. C'est-à-dire que vous expliquez savamment quelque chose qui est quand même légèrement décalé. Et c'est une bonne partie de son génie comique. Hein. Il pastiche, plus qu'il ne parodie d'ailleurs. Quand il rencontrera Francis Blanche, à mon avis, ce sera plus du domaine de la parodie. Et il pastiche un langage philosophique ou scientifique, du style « Si tous ceux qui croient avoir raison n'avaient pas tort, la vérité ne serait pas loin ». C'est toujours une manière de pousser vers l'absurde. C'est lui aussi qui disait « Quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de repos, le problème de la fatigue humaine sera résolu une fois pour toutes et toutefois pour une ». Voilà. Alors pour le situer dans son temps, il a vécu de 1893 à 1975, ses origines, le moule qui a été le sien. Écoutez cet extrait d'un entretien avec Jacques Chancel dans l'illustrissime émission Radioscopie. C'est sur France Inter. Le 8 juillet 1969. Pierre Dac, on vous connaît bien, vous avez un nom qui claque. Vous êtes né où? À Chalon-sur-Marne. Et je crois que vous avez été marqué... Un 15 août. Un 15 août, pourquoi? Oui, c'est... Napoléon. C'est... Ah pardon, c'est vrai le bicentenaire. Bien sûr, voyons. Pierre Dac, Dac n'est pas votre nom. Non. Vous êtes juif, est-ce que vous avez été marqué oui. par ça? Très. Je pense que l'humour permet... Mon humour, c'est de faire des choses très graves, très sérieusement, sans tellement se prendre au sérieux. Et je porte certainement en moi, car ça a été une self-defense pour le peuple juif, de se moquer un peu de lui-même et de plaisanter, qui lui a permis de traverser combien d'épreuves. Je n'ai pas besoin de vous les rappeler, vous les connaissez aussi bien que moi. Tout jeune, vous étiez quel garçon? Très romantique. Je le suis resté. Un romantique farfelu ou un farfelu romantique? Les deux, si vous voulez. Si vous voulez. L'insolite, surtout. J'adore l'insolite. Que faisaient vos... chose qui surprend. Que faisaient vos parents, Pierre Dac? Oh, mon père était boucher. Et je tiens beaucoup de lui. Mais je ne sais pas, j'ai peut-être 150 expressions à lui que j'ai reprises, que j'ai transposées, mais je tiens absolument de lui. Vous aviez toujours envie de faire ce métier? Pas du tout, ça m'est venu comme ça. Ça m'est venu pendant la guerre, de 14-18. C'est là que ça m'est venu. Je suis venu une fois en permission, et pour la première fois de ma vie, je suis allé chez Furcier Morisset, qui avait une boîte de chansonniers. C'est le premier contact que j'ai eu avec les chansonniers. Ça m'a plu, et je me suis dit, c'est ça que je veux devenir. Pierre Dac, vous êtes de ces hommes qui ont fait deux guerres. Vous aviez 18 ans et vous étiez à Verdun. Je n'ai pas eu le temps de faire celle de 70, c'est dommage, parce que c'est le centenaire l'année prochaine. Et vous prenez tout cela avec le sourire. C'est la meilleure des choses. Vous savez, l'humour, mon cher Jacques Chancel, ne vous apprend rien. C'est une arme magnifique. Ça permet de tenir le coup dans les circonstances les plus tragiques et les plus dramatiques. On le retrouve là, tel qu'il est, y compris avec ce recul par rapport à lui-même, cette sorte de timidité qui fait partie consubstantiellement de son caractère. Il a dit un jour « Je suis timide à manger toute ma vie des carottes râpées parce que je n'ose pas dire que je les déteste. Timide à me faire taper sans cesse parce que je n'ose jamais réclamer l'argent que l'on me doit. Timide à me rendre chez le coiffeur pour la barbe et accepter sans protester le shampoing, la friction, la serviette chaude, le vibromasseur et le séchoir, etc. » Oui, c'est tout d'ac, parce que c'est un timide qui ose quand même, au début des années 1920, monter sur scène, même si c'est une petite scène devant un petit public, ça s'appelle le cabaret Montmartre III, qui ensuite passera à la radio, qui ensuite passera à la télévision. C'est aussi un neurasthénique, on en parlera peut-être. Le mot suicide, je suis désolé de le prononcer en début d'émission, appartient aussi à la vie de Dac. C'est quelqu'un qui attentera plusieurs fois à ses jours. Donc, il est dans la ligne de ce qui est devenu un mythe, le comique triste, mais triste dans sa vie privée, et qui oublie cette tristesse ou cette inquiétude profonde dans sa vie publique. Alors, effectivement, il y a un élément biographique, mais ce n'est sans doute pas suffisant, qui est une des clés de cette neurasthénie. C'est la Première Guerre mondiale, qu'il fait courageusement, il en revient décoré, blessé à plusieurs reprises, mais où il perd son frère, Marcel. Et la mort de Marcel va le hanter, clairement. Et tout ça est en arrière-plan, évidemment. Alors, par ailleurs, ce qui est quand même assez remarquable dans cet extrait, c'est qu'on est en 69 et que Jacques Chancel parle de la judéité de Pierre Dac. Ça ne se faisait pas beaucoup à l'époque. Hein. Les antisémites en parlent. J'ai personnellement travaillé sur René Goscinny. René Goscinny n'a pratiquement jamais explicitement parlé de sa judéité. Puis vers la fin de sa vie, mais on est au milieu des années 70, il va mourir à peu près en même temps que Pierre Dac. C'est vrai qu'il va être rejoint, Goscinny, comme Pierre Dac, par cette montée de la question « Ah oui, mais l'antisémitisme », qui est devenu presque obsessionnel ensuite. Mais à cette époque-là, on est quand même extrêmement réservé. Et d'ailleurs, il y a un très bon article de Gérard Inger dans le catalogue de l'exposition qui réfléchit à cette évolution. Et pour continuer dans les citations de Pierre Dac, j'espère que nous pourrons, Jean-Noël, continuer tout au long de cette émission à le citer, les pensées de Pierre Dac, puisque un jour est paru au début des années 70 un petit ouvrage qui s'appelait « Les pensées façon petit classique ». Vaubourdol, avec Pierre Dac coiffé d'une perruque Louis XIV, ben voilà une pensée qui, je surinterprète peut-être, paraît faire allusion à sa judéité, soyons clairs. On parle souvent du Nouveau Testament, sans dire qui a hérité de l'Ancien. Alors les premiers succès de Pierre Dac, il rencontre vraiment son destin sur les planches de ses cabarets, notamment à Montmartre. Oui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il se retrouve... Après cette première rencontre qu'il vient d'évoquer avec Jacques Chancel, il se retrouve au cœur de la culture montmartroise, c'est-à-dire au cœur de la culture française triomphante à cette époque-là, à cheval entre une forme de culture populaire, parce que le chansonnier est une figure extrêmement répandue, si je peux me citer, mon père, qui était principalement journaliste, était aussi chansonnier, et il m'a élevé dans le culte de toute cette génération-là, Raymond Souplex, Rocca, Grélot, etc., qui étaient des amis. Il y a des archives de votre père sur les planches. Il y a des archives écrites. Ça fait même l'objet d'une exposition jadis. Et il a même croisé le jeune Francis Blanche à la Libération, à Radio Rennes, pour tout vous dire. Mais donc, cet esprit chansonnier était un esprit qui, dans sa forme standard, adoptait ce qu'on appelait un timbre au XIXe siècle, Béranger par exemple. C'est-à-dire qu'on prend, on peut le comprendre aujourd'hui, hein, si je précise qu'un timbre, c'est une chanson à la mode et on met un texte nouveau, souvent satirique. Alors Pierre Dac le fera au départ, parce qu'il faut bien se couler dans le moule, mais très vite, il va moins chanter que parler et il va se lancer dans des monologues, entre guillemets, absurdes. Et ça marche parce qu'il est presque le seul dans son style. Donc, à la fois, il est complètement intégré, en même temps, il est un peu en marge, et c'est comme ça qu'il va progresser, parce que ce qui est remarquable chez Dac, c'est qu'il commence dans le cabaret, et puis il va saisir l'occasion de la radio, comme il saisira plus tard l'occasion de la télévision. Donc, c'est quelqu'un qui est, en même temps, sans l'avoir voulu peut-être, un témoin de l'évolution de l'histoire, de la culture. Mais dès ce moment-là, il fait de l'absurde un ressort essentiel de son propos. C'est le temps où il déclare le proverbe empirique qui dit « C'est en forgeant qu'on devient forgeron » est un proverbe de vérité, car il est plutôt rare, en effet, qu'en forgeant, un forgeron devienne petit télégraphiste ou mannequin de haute couture. Exactement. Ou ceci encore, qui se sent morveux, qu'il se mouche, est un proverbe correct, car il n'y a aucune raison que j'aille moucher le nez d'un type que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu et dont je n'ai strictement rien à foutre. Tout à fait, dans cette veine essentiellement absurde de pur comique... J'aime assez notre ping-pong. Tout à fait. Par exemple, là c'est le pur comique, c'est le degré 1, mais qui est déjà un très beau degré à mes yeux. Si vous avez les yeux plus gros que le ventre, vous n'êtes pas prêt de trouver une paire de lunettes. Bon. Et là où ça va vers l'absurde, ça j'avoue que ça me fait toujours beaucoup rire. Sans l'invention de la roue, les coureurs du Tour de France seraient condamnés à porter leur bicyclette sur le dos. Alors le passage important à partir de ce succès, c'est celui qu'il conduit du côté de la radiodiffusion en plein essor dans ces années 30. Oui, nous sommes à la radio. La radio devient ce qu'on appellera plus tard le grand média populaire. Et particulièrement les postes privés. Le plus dynamique de ces postes privés est Radio Cité, dont le fondateur est Marcel Bleustein, plus tard Bleustein Blanchet. Apparaît déjà dans cette continuité un certain Jacques Canetti, qui sera le grand directeur artistique de la radio, du théâtre de cabaret, mais surtout du disque après la guerre. Qui fondera une entreprise prospère. Ah oui, mais un homme extraordinaire quand on pense au fait que, bien entendu, tous les comiques français de l'après-guerre, Raymond DeVos, Fernand Reynaud, Daricot, Lamoureux, etc., passeront entre ses mains, Canetti, mais tous les grands chanteurs, de Brassens à Higelin, vous imaginez, toute la génération. Il a même commencé avec Édith Piaf, Canetti, à l'époque des années 30, justement. Et donc, Radio Cité est un haut lieu, et c'est à Radio Cité que Pierre Dac teste une forme d'émission, je pense, rarissime, voire unique, c'est peut-être le fondateur, les émissions qu'on évoque aujourd'hui savamment en se haussant du col, les émissions dites interactives, c'est-à-dire qu'il faut intervenir l'auditeur, eh bien, dans les années 30, à partir de 1937 en particulier, Pierre Dac, avec la course au trésor, fait intervenir l'auditeur en lui demandant d'apporter, dans un délai assez court, des objets insolites. Et les auditeurs réussissent, ce qui prouve que, vraiment, la démocratie, c'est parfait. Et je crois que ça, c'est un génie propre, parce que c'est pas... certes, il y avait des modèles américains pas très loin, mais fondamentalement, c'est lui qui acculture, en quelque sorte, cette conception moderne de la radio, alors qu'il vient du cabaret, il aurait pu ne pas pouvoir franchir le pas. Bien, pour donner une tonalité, pour évoquer ce qu'était ce genre d'émission, cet extrait de celle qui s'intitulait Le Club des Loufoques, un Club des Loufoques, qui est diffusé sur Radio Cité à un moment donné que je ne précise pas à coup sûr et qui est autour de 1935. Mesdames, messieurs, le brouhaha que vous entendez est provoqué par la présence d'un certain nombre d'individus convoqués ici par notre ami Pierre Dac. Je ne sais pas dans quel but, mais il va vous l'expliquer lui-même. Messieurs. Silence. Messieurs, je vous ai réunis ici pour que nous formions ensemble de concert et de rechef de voir une association dont le besoin se fait urgemment sentir et que l'humanité tout entière attend comme la vessie. Non, le Messie. Oui, comme le Mexique. Il est indiscutable. Que le déséquilibre de toutes les classes actuelles de la société ne permet pas de très bien réaliser ce qui sépare le normal de l'anormal. C'est pourquoi, j'ai décidé de fonder une vaste société dont les initiales seront SDL, c'est-à-dire Société des Loufoques. Messieurs, êtes-vous de cet avis? Bon, messieurs, puisque nous avons réalisé un accord complet, nous allons procéder à la formation légale de la SDL dans la grande salle d'honneur que j'ai fait construire spécialement à cette intention. Par ici, messieurs. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait 15 marches à descendre. Maintenant, messieurs, nous allons procéder, si vous le voulez bien, et si vous ne le voulez pas, ce sera le même prix, à l'élection de notre bureau. Tout d'abord, je pose ma candidature à la présidence. Et j'ai pour appuyer ma demande deux solides matraques dont le maniement m'est particulièrement familier. Qui est-ce qui s'oppose à mon élection? Parfait. Je propose maintenant à la vice-présidence mon ami Fernand Rosena. Qu'est-ce qu'il a fait pour prétendre à la vice-présidence? Monsieur Rosena, avez-vous votre revolver sur vous? Mais parfaitement, président. Alors, voulez-vous répondre à l'honorable interrupteur? Tout cela, Pascal Horry paraît un peu désuet aujourd'hui, mais c'était très neuf en ce temps-là. Tout à fait neuf. On n'imagine pas le côté compassé de la plupart des émissions de la TSF, comme on disait à l'époque. Tout était enregistré, lu, etc. Oui, tandis que là, il y a du direct, il y a une folie qui saisit les différents participants. On peut signaler effectivement le nom de Fernand Rosena, qui a été le grand numéro 2 de Pierre Dac, en particulier quand il s'agissait de radio. Ces années 30 finissantes sont aussi le moment où un autre volet du talent de Pierre Dac se révèle, c'est-à-dire le journaliste, mais toujours loufoque, toujours du côté de l'absurde, puisqu'il fonde cet hebdomadaire qui s'intitule « L'os à moelle ». On lui demande pourquoi ce titre, il répond pourquoi pas. Voilà, c'est la réponse dakienne standard. Nous sommes quand même en mai 1938. C'est un moment un peu lourd. Et d'ailleurs, le succès, 400 000 exemplaires dans les meilleurs jours pour cet hebdomadaire, s'explique peut-être entre autres par une volonté de compensation face à ce que les historiens ont maintenant appelé la montée des périls. Il est d'ailleurs naufragé en mai 40, logiquement. Et évidemment. C'est un hebdomadaire, comme vous le dites à juste titre, c'est-à-dire qu'il reprend la maquette des grands hebdomadaires. C'est le triomphe de ces grands hebdomadaires, plutôt in-folio. Vendredi, Marianne. Voilà. Vous citez des hebdomadaires de gauche, mais il y en a beaucoup à droite. Je vous les cite à chacun voilà, son office. Voilà, donc je cite Candide, Gringoire, Je suis partout, par exemple. Et c'est vrai qu'il reprend la maquette, et tout ça est détourné et décalé. Comme les petites annonces. Les petites annonces qui sont un des chefs-d'œuvre de L'Os à moelle. Alors, des exemples, Pascal Horry. Ah, cède, bombe à retardement. Très, très urgent. Et moi, je vous offre qu'un cherche-cas en vue d'association. Ancien garde mobile cherche emploi stable. Boucherie chevaline recherche chevaux désespérément. Ne pas écrire, se présenter. Échangerait n'importe quoi contre ce qu'on voudra, très pressé. Et encore ceci qui est absolument immortel, quand l'avocat n'est pas cru, le client est cuit. Voilà, on peut comprendre le succès dans cette ambiance pesante. Aujourd'hui, on se dit, oh, l'année 2020, c'est peut-être la pire année. Et franchement, bon, hein, les dernières années 30 et les années d'occupation. Et voilà, il y avait L'Os à moelle, qui bien sûr ne pouvait pas tenir plus longtemps que la démocratie française. Et d'ailleurs, le journal a été reproduit intégralement, je crois, par les éditions Omnibus il y a quelques années. On peut s'y plonger avec bonheur. Après la guerre, Pierre Dac a repris plusieurs fois L'Os à moelle, avec moins de succès. Pourquoi alors? C'est correspond... bah, le premier qui s'appelle L'Os libre, on pense un peu au canard enchaîné après avoir été libre. L'homme libre de Clémenceau, voilà. Devenu l'homme enchaîné en 1914. Voilà. L'Os libre n'a pas été un grand succès, alors que quand on le lit aujourd'hui, il est beaucoup moins connu que L'Os à moelle, première version. La force comique est toujours là, mais on est en 1946-47. Et franchement, les sociétés contemporaines ont la tête ailleurs. Quoi. Et il recommencera plusieurs fois, en particulier, je crois qu'on va l'évoquer dans quelques temps, quand il envisagera, de façon très dakienne et très bouffonne, une candidature aux élections présidentielles. Là, il y aura une dernière version de L'Os à moelle. Vous allez trop vite. Tout à fait. Restons un instant pendant la Seconde Guerre mondiale. Le destin de Pierre Dac s'infléchit d'une manière qui mérite d'être évoquée. Pierre Dac... en tant que victime désignée, mais aussi en tant que vrai démocrate, ne peut pas supporter le régime de Vichy. Et à cette occasion, il va croiser d'ailleurs Jacques Canetti. Il va se retrouver en zone sud. Il va tenter plusieurs fois de gagner Londres. Il a même connu à nouveau le cabaret un moment pour gagner sa vie à Toulouse. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là que Jacques Canetti va passer insensiblement des deux ânes d'avant-guerre aux trois baudets qui font sa célébrité. Ça en tiendra là. Oui. Et il réussira à rejoindre Londres, à participer aux émissions de la BBC, les Français parlent aux Français. Et là, il y a quand même un des plus grands moments de l'histoire de la radio, et ça va même au-delà, qui est cet incroyable échange en mai 1944 entre lui et Philippe Henriot. Philippe Henriot, dont il faut rappeler qu'il était secrétaire d'État à l'information et à la propagande du régime de Vichy. C'était un grand talent qui s'exprimait deux fois par jour sur les ondes de Radio Paris. Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Et ce dialogue mérite d'être restitué. Pour commencer, cette chanson de Pierre Dac, détournée, comme vous le disiez tout à l'heure, sur un timbre ancien, c'est-à-dire le temps des cerises, le roi des salauds. Il est accompagné par l'orchestre de Francis Chagrin, une archive de la BBC. Le roi des salauds ressemble à Hitler. Hitler au Führer et le Führer à Henriot. Ce qui fait qu'en fin de compte, le roi des salauds ressemble à Henriot comme deux gouttes d'eau. Cette chanson était faite pour piquer Henriot, qui n'a pas manqué de répliquer en s'en prenant à Pierre Dac d'une manière que je ne décris pas à l'avance. Oui, il faut préciser que Henriot était un très grand orateur, reconnu comme tel dans l'entre-deux-guerres quand il était encore un parlementaire. Hein. Député de Bordeaux. Oui, pur produit de la culture catholique. Il était même un lauréat de ce qu'on appelait la Coupe Drac, du droit des religieux anciens combattants. C'était une école de formation d'orateurs catholiques qui a marqué l'entre-deux-guerres. Et puis il s'est radicalisé, il est entré dans des logiques complotistes dès l'époque de la Troisième République. Il s'est évidemment rallié au maréchal Pétain, mais il lui restait une petite réticence en ce qui concerne les Allemands, parce que les Allemands avaient commis le péché de s'entendre avec Staline. Et Henriot est libéré en 1941, et évidemment à partir de ce moment-là, c'est le grand chantre de la collaboration. Il adhérera même à la milice. Il est présent sur le plateau des Glières au moment des opérations qui conduisent à écraser les maquisards. Enfin, c'est quelqu'un qui va extrêmement loin dans l'engagement, tout en étant une voix d'or, comme on a dit parfois à l'époque, très très écoutée. Il faut quand même penser que c'est un ministre, si on veut, secrétaire d'État à l'information et à la propagande depuis janvier 44. C'est d'abord un homme de radio qui est présent, vous l'avez dit, deux fois par jour, ce qui fait que la résistance le considère comme un personnage très dangereux. Écoutons-le. Vraiment, les loufoqueries de l'os à moelle ne m'ont pas toujours fait rire. Mais le juif Dac, s'attendrissant sur la France, c'est d'une si énorme cocasserie qu'on voit bien qu'il ne l'a pas fait exprès. Qu'est-ce qu'Isaac, fils de Salomon, peut bien connaître de la France? La France, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour lui? Cet apatride se moque éperdument de ce qui arrivera à la France. Il s'insurge contre les Allemands. Ce n'est pas parce que ceux-ci occupent la France dont ils se moquent. C'est parce qu'ils ont décidé d'éliminer le parasite juif de l'Europe. Et de même que Mandel voulait que la France fît la guerre pour venger sa race, Dac, on a les Mandel qu'on peut trouver, voudrait qu'elle se dresse pour la défense. J'observe que comparer Pierre Dac à Georges Mandel est plutôt honorable, compte tenu de la dimension de ce personnage-ci. Tout à fait, et... On sent bien chez Henriot qu'il y a non seulement la haine du juif, mais le mépris culturel à l'égard de cet amuseur. Mandel fait quand même partie des hommes politiques. Donc c'est la totale. Avec l'argument de la fuite. Ils s'en vont, ils quittent la France souffrante pour aller faire leurs affaires du côté de la City. Eh bien, voici maintenant la réponse de Pierre Dac, qui est restée fameuse. Eh bien, monsieur Henriot, sans vouloir engager de vaines polémiques, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Laissez-moi vous rappeler, en passant, que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et d'autres, avant eux, sont originaires du pays d'Alsace, dont vous avez peut-être, par hasard, entendu parler, et en particulier de la charmante petite ville de Niederbronn, près de Haguenau, dans le Bas-Rhin. C'est un beau pays, l'Alsace, monsieur Henriot, où, depuis longtemps, on sait ce que cela signifie la France, et aussi ce que cela signifie l'Allemagne. Des campagnes napoléoniennes, en passant par celles de Crimée, d'Algérie, de 1870-71, de 14-18, jusqu'à ce jour, on a dans ma famille, moi y compris, monsieur Henriot, lourdement payé l'impôt de la souffrance, des larmes et du sang. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Un dernier détail, puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. C'est d'aventure, vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche, dans l'allée, et à la sixième rangée, arrêtez-vous devant la dixième tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, tous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez. Ce texte, Pascal Horry, est du 11 mai 1944, six semaines plus tard, Philippe Henriot est abattu par des résistants. Oui, c'est à la fois un très beau texte et c'est une histoire d'un tragique de guerre civile, évidemment. Et on voit qu'un amuseur public, entre guillemets, qui est évidemment le regard que porte Henriot sur le juif André Isaac, est capable de rejoindre le ton du drame et du profond. Et même de la tragédie. Et d'une certaine façon, d'écrire l'histoire, hein, de l'annoncer. Pour la résistance, c'est vrai que Henriot était un personnage qu'il fallait de toute façon neutraliser d'une manière ou d'une autre. Et l'échange de la BBC a certainement accéléré la décision. Et Pierre Dac a pris une place dans l'équipe des Français parlent aux Français avec d'autres noms prestigieux, Jean Marin, Oberlé. Oui, Jean Oberlé, auquel on doit d'ailleurs Radio Paris. Ment Radio Paris tellement, parce qu'on ne prête qu'aux riches, on dit souvent que c'est de Pierre Dac, mais c'est une formule de Jean Oberlé, qui est un artiste. Hein. Quand on pense à Vercors, qui était dessinateur, Oberlé était un dessinateur. Ce serait intéressant de regarder de plus près tous ces gens-là qui se retrouvent, en particulier à Londres, qui sont des gens de théâtre, hein, comme Michel Saint-Denis, ou effectivement Oberlé. En tous les cas, Dac a toute sa place. Jean Moulin aussi. Exactement. D'ailleurs, le destin de Daniel Cordier s'explique comme ça, parce que Daniel Cordier, quand il n'a pas rencontré Jean Moulin, complètement opaque aux arts plastiques, et c'est parce que Jean Moulin, lui, est un vrai dessinateur passionné par l'art, que il lui fait connaître à ce jeune garçon de la résistance l'art. Je trouve très beau d'ailleurs cette rencontre entre le combat pour la liberté et le combat pour l'art. Dans le cas de Dac, il revient assez vite à son mode particulier, c'est-à-dire le monde de l'absurdie, mais qui se mêle à la gravité. Il dit à ce moment-là, en France, il y avait deux hommes célèbres, le maréchal Pétain et moi. La nation ayant choisi le maréchal, je n'avais plus qu'à m'en aller. Oui, il s'en sort par une pirouette. En même temps, la libération est un moment pénible pour lui. Parce que d'abord, il a atteint ce sommet. Il se retrouve dans la France, fraîchement libéré. C'est vrai qu'il devient un membre assez actif de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Son engagement explicite contre le racisme se précise, comme d'ailleurs dans quelques années... La LICRA. Oui, la LICRA, le CACH et quelques autres. Il entre dans les institutions et par ailleurs, dans quelques années, il va saluer la naissance de l'État d'Israël. Mais en même temps, comme d'ailleurs d'autres qui se sont trouvés à l'extérieur, on pense à Jean Gabin, il a beaucoup de mal à retrouver sa place dans le système culturel de la libération. Il y a un moment de flottement, et on peut penser que sa fameuse neurasthénie a été encouragée par ce constat que, je ne dis pas qu'on l'avait oublié, ce n'est pas la question, mais il appartenait apparemment à une culture qui n'était plus d'actualité. On l'a dit tout à l'heure à propos de la réédition de L'os à moelle sous la forme de L'os libre. Il va avoir la chance de rencontrer une nouvelle génération de comiques qui vont faire de lui un maître. Il précise 1m63, c'était sa taille. À partir du moment où il a dépassé les années 46-47, voilà. L'existentialisme et Pierre Dac étaient voués à ne pas faire très bon ménage. Alors qu'en revanche, avec le théâtre qu'on a appelé de l'absurde, Beckett, Dubillard ou Ionesco, il se retrouve en terrain familier. Oui, et dans cette zone intermédiaire où figurent des héritiers... je dirais atténué de cet esprit tel que Robert Derry qui crée la compagnie, la troupe des Branquignoles. Ça sera un spectacle de cabaret, de musical et finalement un film sur le modèle du américain de Elsa Popin. Et dans la troupe des Branquignoles se situe un certain Francis Blanche. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Alors le voilà, il faut l'introduire dans cette histoire, dans cette émission consacrée à Pierre Dac et à sa pérennité. Francis Blanche, comment se passe la rencontre ? Au départ, assez mal, parce que Pierre Dac, au fond, presque du trou, apprend qu'en plus, il y a un comique quelque part là, qui visiblement fait du Dac, sans vraiment le dire. Et il va le voir avec l'intention de l'engueuler, quoi. Et puis, ça se termine en quelques minutes très bien, autour d'un verre. Il se rend compte qu'il a en face de lui un disciple, en fait. Un disciple qui dit, mais je n'osais pas venir vous voir, vous êtes un maître pour moi, etc. Alors ça, c'est une chose, mais ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est qu'entre l'aîné, donc il y a une génération qui les sépare, hein, entre l'aîné et le cadet, eh bien le courant va si bien passer que désormais, d'ailleurs, c'est souvent le jeune qui va pousser l'aîné à revenir à la radio, avec en particulier des pastiches de feuilletons. En bousculant sa neurasthénie. Voilà, exactement. Alors que Francis Blanche était pas mal dans le genre aussi, et que la même année où, en 1960, il faut être clair, pour la quatrième fois en 4 ans, je crois, Pierre Dac tente de se suicider, la même année, Francis Blanche voit mourir presque sous ses yeux son père, qui était un acteur modérément connu. Donc les deux n'étaient pas forcément des guélurons, hein, c'est clair. Mais le public ne le savait pas. Et on va les retrouver à la radio, et on va les retrouver à la télévision, presque au cinéma aussi, plus Francis Blanche dans les années 60, évidemment, les Tontons Flingueurs, etc., que Pierre Dac. Mais quand même, ils sont présents, et ils sont représentatifs de l'humour, et plus généralement du comique de cette époque-là. D'ailleurs, il faut penser que parmi les poulains de Jacques Canetti, puisqu'il est derrière tout ça, Jacques Canetti une fois de plus, il y a un certain Jean-Yann. Donc on voit les nouvelles générations des années 60, et leur maître... À deux de référence, c'est bien sûr Pierre Dac et Francis Blanche. Et sans surprise, on retrouve la radio, où à nouveau le talent de Pierre Dac s'épanouit, le parti d'en rire prend toute sa dimension, et il invente ce personnage resté fameux de Furax, qui est un mélange de Fantomas, de Lupin et de Rocambole. Exactement, les deux se découvrent, Francis Blanche et Pierre Dac, amateurs de romans feuilletons, et ils ont l'idée très simple de le transposer à la radio, avec un roman feuilleton burlesque, où il est question de barbu, c'est d'abord Paris Inter, ancêtre de France Inter, puis quelques années plus tard, ce sera signé Furax sur Europe numéro 1, comme on disait à l'époque. D'ailleurs, le moment de gloire politique de signé Furax, c'est quand Guy Mollet, au moment où il est renversé en 1957, dit « Messieurs, je vous quitte, je dois écouter signé Furax », sous-entendu « Bon, maintenant, voilà, débrouillez-vous sans moi ». Effectivement, signé Furax est un énorme succès, plus de 1000 épisodes, avec toute une troupe, en effet, d'abord Pierre Dac et Francis Blanche, qui jouent respectivement le rôle de deux policiers ou détectives, si on veut, l'un qui est Pierre Dac jouant Black, et évidemment Francis Blanche joue White. Bon, vous avez Maurice Biro, hein, une de ces figures très, très populaires à l'époque, qui est le commissaire Socrate, dans mes souvenirs, le remarquable Jean-Marie Amato, bien oublié, qui joue le rôle de Furax, c'est une grande réussite, et d'ailleurs, on dispose heureusement d'une partie, parce qu'une autre partie a hélas disparu, comme souvent à la radio, mais on dispose de CD pour les amateurs, pour les auditeurs, qui permettent quand même de bien pénétrer dans la logique de cette série. Nous mettrons naturellement les références à ces CD sur notre site. Et on découvrira ou redécouvrira, en tous les cas, moi j'écoutais effectivement, comme Guy Mollet... Ce rapprochement, je n'y aurais pas songé tout seul. Des nombreux points communs, n'est-ce pas ? Signé Furax fidèlement sur Europe numéro 1. Et je connaissais par cœur, comme tous les amateurs, et encore aujourd'hui beaucoup d'amateurs, le nom de l'ingénieur du son, Pierre Arnaud, de Châssis Poulet. Voilà, que Francis Blanche avait affublé de ce nom très 19e siècle, comme c'est, de Châssis Poulet. Pierre Arnaud. Et de qui l'a mise en onde ? Pierre Arnaud de Châssis Poulet, bien sûr. Cette contribution à votre future biographie, Pascal Horry, sera précieusement gardée dans les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Les barbus, vous évoquez les barbus, c'est important cette rencontre entre ce groupe et Blanche et Dac. Écoutons donc cette chanson « Honneur aux barbus » sur une musique qui ne sera pas difficile à identifier, c'est « Barbier de Séville ». Musique de Rossini, ce sont des paroles de Pierre Dac et Francis Blanche qu'interprètent ici, en 1956, les quatre barbus. C'est Figaro qui jette un cri d'alarme. Oh là là là là là là. Attention, attention, attention. Oui. Car plus avant moi n'emporte la barbe. Oh là là là là là là. Se raser devient une obsession. Oui. Non. La la la la la la la. La triste vie, en vérité, la triste vie. Pour les barbiers qui n'ont plus rien à nous couper, qui n'ont plus rien à nous couper. De toutes parts, on ne voit guère, on ne voit guère que des mentons, des mentons nus, comme des vers, comme des vers, des mentons nus. C'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Mais où sont les, mais où sont les barbes d'antan, barbes en brosse ou barbes à frisette, barbes en pointe, en collier, en côtelette, barbes jusqu'au nombril, barbes jusqu'au genou, barbe bleue, barbe rousse, barbe barbe à pou. À présent, c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro. Oui. Zéro. Oh, de grâce, comment voulez-vous que l'on fasse? Oh, rendez-nous nos barbus, Gambetta et Landru. Émile Zola, Sadi Carnot, le père Bugeaud, Victor. Francène, Hugo. Ah, mes amis, voyez la jolie ronde qu'autour de la terre on ferait dès demain, si toutes les barbes du monde voulaient se donner la main. Ah, mes amis, voyez la jolie ronde qu'autour de la terre on ferait dès demain, si toutes les barbes du monde voulaient se donner la main. Voilà les barbus qui s'avancent, plus qui s'avancent pour sauver, sauver la France, sauver la France et le monde entier. Les barbus, Pierre Dac, une vraie proximité. Et les quatre barbus qui chantent, qu'il ne faut pas confondre avec les frères Jacques contemporains, avec un jeu de scène un peu différent, les quatre barbus ont une dimension un petit peu plus non-conformiste, voire anarchisante, que les frères Jacques. Ils reviennent, ils datent de l'époque du Front Populaire, en fait. Exactement. Le mouvement de jeunesse. Le germe initial des quatre barbus, qui seront rejoints par un personnage très intéressant qui s'appelle Pierre Jamais, grand photographe des auberges de la jeunesse. On avait donné une exposition de ces magnifiques photos naguère aux rencontres d'Arles. Exactement. Eh bien, les quatre barbus sont des héritiers de cet esprit Front Populaire via le cabaret qui est le modèle à l'époque du Front Populaire du cabaret Rive Gauche d'après-guerre, le cabaret d'Agnès Capri. Donc tout ça est assez cohérent. Et ce sont souvent, en effet, les quatre barbus qui vont interpréter, et aussi parfois les frères Jacques, en effet, les chansons de Blanche et de Dac. Alors on peut se dire que c'est assez Francis Blanche, puisque c'est de la parodie musicale. Il y a d'autres œuvres célèbres qui sont mises à contribution, la truite de Schubert, hein, par les frères Jacques. Mais il faut savoir, rappeler, que Pierre Dac était un musicien, qui s'était rêvé au départ jusqu'à ce qu'il ait un accident. Un accident, une blessure de guerre. Musicien professionnel, violoniste. Donc il était sur ce plan-là, raccord, dirait-on aujourd'hui, avec Francis Blanche. Quant à cet esprit du feuilleton, je voudrais quand même citer le début de l'hymne des partisans du Grand Babu. En cette époque de complotisme, les partisans du Grand Babu sont une société secrète qui veut diriger le monde, etc. Alors, quand même, je suppose que certains auditeurs connaissent le début immortel de cet hymne. « Tout le monde y pue, y sent la charogne, il n'y a que le Grand Babu qui sent l'eau de Cologne. » C'est le temps où se répand aussi l'expression célébrissime de Schmilblick que reprend Coluche en 1975, dont l'auteur, on ne le sait pas toujours, est Pierre Dac. Tout à fait. Pierre Dac, tout à l'heure, dans cet entretien que vous avez diffusé avec Jacques Chancel, évoque son père et cet esprit typique. Alors, à la fois très populaire, un boucher de la Villette, quand même. Hein. On est au cœur d'une forme de francité, mais en même temps, humour juif d'Europe centrale, presque. Oui, on peut dire que déjà l'Alsace, c'est un peu l'Europe centrale. Et le mot Schmilblick, comme le mot loufoque qui lui vient de l'argot... des chevillards de la Villette, eh bien, on peut dire que Schmilblick, c'est effectivement un terme, ça a été bien repéré, et d'ailleurs Dac l'a confirmé, yiddish, et une manière d'introduire comme ça cet humour par l'absurde, c'est pas de côté, que l'on a parfois indexé sur les juifs. L'humour juif est sans doute indéfinissable, je pense que d'ailleurs tenter de définir l'humour juif, c'est une preuve d'humour juif. Et il y a d'ailleurs un autre précédent par rapport à Coluche, dont la candidature à l'élection présidentielle de 1981 est restée notoire. Pierre Dac se présente en 1965, au moment de la première élection présidentielle au suffrage universel, en proposant la création d'un parti qui s'appelle le Mou. Les temps sont durs, vive le Mou. Et en même temps, il garde pour De Gaulle une révérence qui remonte à l'époque de la France libre. Il avait été décoré après ce moment-là. Cela ne l'empêche pas, naturellement, de refuser la blague. Si, écrit-il, comme l'a dit un jour le général de Gaulle, la France n'était pas ce qu'elle est, c'est-à-dire la France, tous les Français seraient des étrangers. Oui, oui, c'est un rapport complexe au général. Bon, ça reste un grand admirateur, on le comprend. C'est un gaulliste de la guerre. Il a plutôt le cœur à gauche, semble-t-il, mais c'est pas essentiel. C'est pas un homme du politique. D'ailleurs, un peu comme Coluche. Hein. Coluche s'est quand même rendu compte qu'il s'aventurait sur un terrain qui devait être de plus en plus dangereux pour ça lui. Ça n'empêche pas de déplorer qu'il y ait des ministres sans portefeuille, les pauvres. Voilà, mais c'est justement dans son domaine de compétence à Pierre Dac. Et son mouvement ondulatoire unifié, c'est aussi, comme le parti d'en rire, une manière de dire ne nous laissons pas prendre par les pièges de la politique politicienne. Essayons, j'allais dire paradoxalement, d'élever le débat en riant. Et c'est toujours le parti d'en rire. Dans l'hymne, on n'est plus chez Rossini, on est chez Ravel avec le Boléro. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Sans parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti, qui soit un peu comme un parti. Un parti placé au-dessus des partis, en bref, un parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Qui puisse protéger la patrie de tous les autres partis, et ceci jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie, et que l'autre partie s'est partie, et compris qu'il faut être en partie réparti, tous en un seul parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Nous avons placé nos idéaux bien plus haut de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, des idéaux, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre mieux, grève à Dieu de vainqueur, de vainqueur, pour que ce qui ne va pas aille encore mieux. C'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Oui, pour vivre heureux, prenons le parti d'en rire. La joie et la gaieté peuvent nous sauver du pire. La franchité, la sainteté, la gaieté, la bonne gaieté des familles. Oui, notre parti, parti d'en rire. Oui, c'est le parti. Et puis ça va comme ça pour aujourd'hui. Nos buts sont déjà fixés. Réconcilier les yeux brouillés. Faire que le veau d'or puisse se coucher. Apprendre aux chandelles à se moucher. Aux lampes pigeons à roucouler. Amnistier les portes condamnées. À l'exception des porte-manteaux. Tiens, ça rime pas. Je sais. C'est pour ça qu'ils peuvent s'accrocher. Exiger que tous les volcans soient ramenés une fois par an. Simplifier les lignes d'autobus en supprimant les terminus. Et pour prouver qu'on n'est pas chiche, faire beurrer tous les hommes sandwich. Voilà quel est notre programme. Pascal Henry, nous sommes là tout proche de la fin. Francis Blanche disparaît le premier. Pierre 1974 et Pierre Dac 1975. La mort de Francis Blanche affecte beaucoup Pierre Dac, qui de toute façon était quand même sur une pente descendante en termes d'esprit à ce moment-là. Il broyait du noir. Heureusement, ça ne se sentait pas trop. Certains de ses propos tout de même plombent. Ah oui, alors effectivement, j'ai été surpris de découvrir cette phrase qu'on n'imaginerait pas de Pierre Dac, mais qui ouvre des abîmes. Au fond, certaines de ces phrases tirent vers la morale, la logique formelle. Là, c'est quasiment la métaphysique. Il faut se suicider jeune quand on veut profiter de la mort. Silence. Oui. Mais comme nous sommes à la radio, nous rebondissons quand même. Oui, parce que le philosophe Mordicus d'Athènes, le fondateur de l'école éthylique, a dit aussi « Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. » Méditons. Et puis ceci encore, qui va nous approcher de la fin de cette évocation du grand Pierre Dac. Celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien dans l'existence n'a de merci à dire à personne. Eh oui. C'est une chute. C'est une chute. On pourrait peut-être en ajouter une concernant l'actualité, me semble-t-il. Là, c'est de la surinterprétation. Vous savez, ce mot sidération qui résume tellement le 21e siècle depuis le 11 septembre, depuis le Covid, tout ça. Nous sommes sidérés. Nous sommes sidérés par ce qui s'est passé il y a quelques jours au Capitole de Washington. Ben, voilà une phrase de Pierre Dac à méditer. Il ne faut pas se fier aux choses qui ne peuvent pas arriver, car c'est justement celles-là qui arrivent. Je trouve que c'est une assez bonne conclusion pour notre émission Pascal Horry consacrée à Pierre Dac et à son rayonnement posthume et à son actualité. La littérature est abondante, soit ses œuvres, vous évoquiez ses pensées de Pierre Dac qui ont été publiées. Il a également raconté son expérience de Londres, Un Français libre à Londres, en guerre, dans la collection Libretto. J'ai évoqué la réédition de L'Os à moelle, admirable, et qu'on parcourt avec une constante jubilation. Enfin, il faut rendre hommage, nous ne l'avons pas encore fait, à Jacques Pessy, qui est le grand héritier de Pierre Dac. Il était, je ne sais pas si c'est très Pierre Dacien, il était neveu d'adoption et exécuteur testamentaire. C'est un des deux commissaires avec Madame Hogg, un des deux commissaires de l'exposition que j'évoquais en commençant. Et puis, naturellement, cette exposition a donné l'occasion d'un catalogue qui est tout à fait passionnant. Souhaitons que nous puissions bientôt aller visiter celle-ci. Et puisque je vous ai devant moi, Pascal Horry, je voudrais signaler, il y a peut-être quelques liens, malgré l'apparence, signaler que vous venez de faire paraître un opus magnum, une œuvre majeure, dans la collection la Bibliothèque des Histoires, chez Gallimard, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ? Une histoire mondiale ». J'aimerais que vous nous disiez un peu quel était votre propos. Si vous rattachez ça un peu à Pierre Dac, ce sera bien. Si vous ne le faites pas, je vous pardonnerai. Ah, on peut, en improvisant un peu, rattacher cette problématique à celle de Pierre Dac, dans la mesure où il y a des formes de comique, d'esprit et d'humour. D'ailleurs, on a souvent dit que les Français étaient plutôt du côté de l'esprit et les Britanniques du côté de l'humour, attachés à certaines nations. Je crois qu'en tous les cas, Pierre Dac a été un grand Français. Quel est le propos de votre livre ? D'essayer de répondre à cette question en termes d'aujourd'hui, c'est-à-dire, le sous-titre l'indique, une histoire mondiale, en ne se limitant pas à l'expérience française, qui est remarquable, mais qui est loin d'être pionnière. Et ce qui vient de se passer aux États-Unis, autour du Capitole, qui est quand même un lieu symbolique très fort, hein, les sociétés politiques se fondent sur les symboles, nous montre bien comment fonctionne une culture nationale. Vous reprenez naturellement le titre d'une conférence fameuse de Ernest Renan. Exactement, dont on ne sait pas toujours qu'elle avait été testée en territoire étranger devant un public étranger, un public néerlandais, la femme d'Ernest Renan étant d'origine néerlandaise. Ce qui donne une perspective à ce fameux texte qu'on avait souvent considéré comme un texte de circonstance, pas du tout, comme un texte un peu nationaliste, pas du tout, puisque dans cette fameuse conférence de 1882 à la Sorbonne, mais donc avant, pour en hommage à Spinoza, quand même, excusez du peu, aux Pays-Bas, il dit clairement que la nation devrait finir par disparaître, et je le cite, 1882, la Confédération européenne, sans doute, la remplacera. Ben, on peut dire qu'il était beaucoup plus optimiste sur l'Europe que nous ne le sommes. Que vous-même, puisque vous dites qu'on a beau déconstruire la nation tous les matins, elle se reconstruit tous les soirs, notamment dans les pages de ce beau livre. Merci beaucoup, Pascal Horry. Vous trouverez une bibliographie complète, et elle est très riche, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, et vous pourrez écouter, réécouter et balado-diffuser cette émission. Samedi prochain, on a besoin de se changer un peu les idées, je ne sais pas pourquoi, ces temps-ci. Nous parlerons des croque-mitaines, figurez-vous, les croque-mitaines, et je recevrai Jacques Berlioz. Prenez garde aux croque-mitaines, nous serons prudents. Lundi matin, vous retrouverez, je le signale, à 9h, chez mon cher confrère Xavier Mauduit, le cours de l'histoire, vous retrouverez une semaine qui sera consacrée à l'histoire des musées, précisément. Lapin sauvage. Lapin sauvage fut inventé en 1887 par un nommé Jérémy Victor Hoptebeck, fils de son père et de sa mère, neveu de son oncle et de sa tante, et petit-fils de son grand-père, frère de sa sœur et frère de lait d'un marchand de beurre. La belle histoire déjà quand il était était enfant, il montrait à tous les passants son curieux esprit compétent. Il inventait des appareils pour épépiner les groseilles, des muselières pour les fourmis. Et bien qu'il fût encore petit, c'était un mec octobec. C'était un mec, un drôle de mec, un fameux mec, et de Lubeck jusqu'à la Mecque, il n'y avait qu'un si chouette mec, Jérémy Vic, Torbeck. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec notre cher Yves Lors à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Hervé Evano pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, comme chaque samedi, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères. Il faut au large fin et trop léger une passe pour le passé, pour le passé, pour le passé, le passé. Et dès lors, dans sa tête, l'obsession qui l'inquiète, le passé, le passé. Puis un jour, il l'avait trouvé. Prenez de petits morceaux de bois que vous assemblez en croix, avec un petit bout de fil de fer et un ressort en travers. Vous saisissez cet instrument entre votre pouce et votre index, vous le serrez en appuyant afin qu'il soit bien circonflexe. Alors vous l'approchez du linge à faire sécher et vous lâchez. C'est ainsi que j'ai prémis Victor. Hop de bec, dans un éclair de son génie a su noter les lavandières et blanchisseuses du monde entier. Une pince à linge qui protégera la liberté, l'humanité. Pince à linge, grâce à toi maintenant. Nos chemisettes, nos chaussettes résistent au vent. Et nos caleçons dorénavant répondront présent. Et nos dragons pétonnés, leur rage se déchaînait. Nous, grâce à la pince à linge, on est protégés, parés, sauvegardés. On aura toujours de quoi espérer. Amis, chantons en cœur la louange et l'honneur de notre bienfaiteur. Gloire à Jérémy Victor Hoptebec, Jérémy Victor Hoptebec, Jérémy Victor Hoptebec. Bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec.